Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans les Caprices de lecture où aujourd'hui nous allons aborder un sujet d'actualité puisque nous allons parler de harcèlement scolaire avec un auteur qui est à l'origine de plus de 19 romans. Arnaud Dudek nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous, bonjour Sarah. Je suis ravie aujourd'hui que vous veniez nous parler donc de votre dernier roman qui s'appelle Un printemps en moins aux éditions Les Avrils. Alors Arnaud, j'ai lu ce livre en étant à la fois surprise et à la fois confrontée, on va dire, à ce phénomène de société qui est le harcèlement scolaire. Alors, un phénomène qu'on met en valeur, qui a peut-être toujours existé, mais dont on parle beaucoup aujourd'hui. Vous abordez donc ce thème avec un point de vue vraiment assez original, puisque c'est un roman choral. Pourquoi cette construction, Arnaud ? Alors, l'idée, c'était de rendre compte du phénomène de la manière la plus large possible. Ouais. On donne souvent la parole à certains protagonistes. Alors, ce sont souvent les mères qui prennent la parole. Oui. Malheureusement, souvent après les drames, dans le cadre d'associations, de témoignages. Moi, j'avais envie de donner d'autres voix à entendre. Ouais. Alors, ça a été le choix de l'enfant harcelé assez vite, évidemment, mais d'un point de vue un petit peu particulier, puisqu'il est dans le coma. Et on le sait dès le départ. Donner la parole aussi au père, qu'on entend un peu moins, oui. Voire pas du tout, dans ce cadre-là. C'est souvent affaire de pudeur, ou peut-être parce que c'est pas forcément le rôle que la société leur donne, oui. D'exprimer des émotions et de donner leur point de vue là-dessus. Et puis, j'avais besoin aussi d'un point extérieur. Parce que le regard extérieur extra-familial me semblait aussi important. Et qui mieux que quelqu'un de l'éducation nationale, oui. pouvait donner ce point-là en sachant que l'enseignante dont il est question dans le livre et qui est un des personnages principaux, oui. Au même titre que le père et l'enfant, oui. N'est pas l'enseignante de Gabriel, n'est pas l'enseignante du garçon. Alors, c'est pas son enseignante, mais pourtant, elle s'en veut, elle a beaucoup de regrets. Alors, je spoile pas le livre, parce qu'il mérite vraiment d'être découvert avec cette construction assez intéressante, justement, sur le thème abordé. Mais elle s'en veut quand même, parce que, voilà, à plusieurs moments dans le livre, elle dit, mais en fait, on aurait dû voir et on aurait pu voir ce qui se passe, et pourtant, aucun de nous n'a vu. C'est, grosso modo, c'est ce qu'elle dit, quelque part. Et je me dis, mais voilà, on aborde un thème aussi dans l'éducation nationale, jusqu'où les enseignants ou les équipes pédagogiques peuvent aller justement pour lutter contre ce harcèlement et comment le détecter avant de lutter contre, en fait. Oui, alors elle représente l'éducation nationale d'une certaine manière. Ouais. Son point de vue, c'est celui de l'institution. Oui. Après, c'est aussi un point de vue de jeune femme, de jeune enseignante, qui formait tant bien que mal au sujet, avait envie de s'investir, avait envie de monter des projets et est sensible au sujet du climat scolaire et de la santé mentale au ouais. sens large. Ouais. Par son passé, on apprend certaines choses, oui. On devine d'autres. La difficulté dans ce genre de choses, c'est que l'institution scolaire, les enfants passent 8 heures par jour. Les jeunes adultes, les enfants, en fonction des classes, passent 8 heures par jour à l'école. C'est la moitié de leur vie. Et forcément, l'éducation nationale, elle a un rôle immense à jouer dans leur construction. Ouais. Mais elle ne peut pas tout. Elle ne peut pas tout voir. Et c'est particulièrement vrai au collège. Alors, en école maternelle, en école élémentaire, vous avez un enseignant qui suit l'élève de A à Z et qui est en capacité souvent de détecter des choses. Oui. Là, c'est autre chose. Les élèves ne... collèges ou lycées, on tourne de classe en classe. De classe en classe, de matière en matière, avec un professeur différent en face à chaque fois. Et donc, il faut vraiment que chacun soit se parle, soit détecte la même chose pour qu'il y ait une espèce de... Alors, pas d'étincelle, mais de concertation pour se dire, là, il y a un problème, en fait. Ce serait ça. Oui, et surtout dans un métier qui est très très paradoxal. Hein. Être enseignant en collège, en lycée, c'est à la fois jouer sa partition solo, c'est enseigner sa matière, oui. et en même temps devoir travailler en collectif, soit au sein d'un conseil de classe, soit sur des projets pédagogiques. Et il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses à faire que il y a des choses qui passent vraiment sous les radars. Ouais. D'autant plus que on arrive à un âge critique. C'est à partir de l'entrée en sixième qu'un enfant se construit véritablement et vers l'adolescence puis le passage à l'âge adulte. c'est un âge éminemment sensible. C'est l'âge où on commence à construire véritablement son cerveau. C'est l'âge aussi où on se confronte à l'image de l'autre. Et puis des grandes émotions aussi, c'est-à-dire l'amour, la colère, le corps qui se transforme. Il se passe plein de choses en fait sur cette période-là. Plein de choses, oui. Que ce soit garçon ou fille. Oui, et c'était pour ça que c'était très intéressant d'aborder ça sous le prisme de voilà, quatrième, on n'ose pas, on est dans la réserve, en même temps on veut faire partie d'un collectif, donc on veut se fondre, voilà, on veut se fondre dans le paysage. C'est vrai. Il y a quand même peu d'individualité forte qui réussissent à sortir de ce carcan et à réussir à s'imposer en disant je suis. C'est plutôt le nous sommes et la discrétion. Donc c'est toute la difficulté à laquelle est confronté Gabriel, parce que c'est un enfant qui change de ville suite au divorce de ses parents. Oui. C'est un enfant qui change d'établissement, qui veut se faire accepter, et comme beaucoup enfants comme adultes d'ailleurs, le fait peut-être avec une douce maladresse qui se retrouve à recevoir en plein visage toute la violence de cet âge-là et les pics qui prennent une proportion énorme. C'est démultiplié en fait. Oui, voilà. Ils sont à fleur de peau. Alors justement, parce que vous parliez effectivement du corps qui change, de cette jeunesse un petit peu à fleur de peau, vous avez travaillé donc avec le dispositif Masterclass du CNL en lien avec l'association Marion La Main Tendue. Donc justement, une association de prévention de lutte contre les violences et le harcèlement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, justement, de cette association et de votre engagement par rapport à ça ? Alors moi, je ne suis pas membre de l'association. Ouais. C'est une association, enfin, parmi d'autres, qui m'a aidé à écrire le livre aussi, okay. dans un premier temps. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai pris la voie d'un livre autour du harcèlement, c'est vous qui êtes entré en contact avec eux après avoir choisi ce choix. Enfin, ce sujet, pardon. Voilà. Je suis entré en contact avec la secrétaire générale de l'association, Pauline Louis Dutrez, qui a été une grande aide. Voilà, on a fait une très longue visio pour qu'elle me parle un petit peu du quotidien de l'association, qu'elle me parle aussi de sa vision aussi de l'appui à la politique publique de lutte contre le harcèlement. Okay. Et moi, ça m'a aidé aussi à y voir plus clair. Ouais. Ça m'a aidé alors, très, très, très, très concrètement avec des chiffres, certains chiffres que je cite dans le livre, et aussi de voir un petit peu la nature ayant horreur du vide, comment les associations ont réussi à travailler sur le sujet, sachant que l'éducation nationale manque de moyens et a besoin aussi d'associations fortes pour avancer sur ce sujet-là. Et de fil en aiguille, avec l'association alors, qui n'est pas intervenue, alors moi je ne suis pas formé au harcèlement scolaire, ce n'est pas mon rôle, hein. Moi j'amène de la littérature dans les classes, j'amène pas un dispositif de prévention. Oui, je comprends. Ouais. En creusant ce sujet-là, une fois que le livre était écrit, est venue la possibilité via le Centre National du Livre d'intervenir dans les classes par la voie de la littérature pour parler du harcèlement scolaire. Donc, ce qu'on a monté avec une amie comédienne, c'est des lectures qui ont été un petit peu le point d'entrée plus facile entre guillemets pour le collège parce que c'est plus compliqué de glisser ça en tant qu'œuvre intégrale ou extrait d'œuvre à étudier. En plus, il y a aussi des mots assez violents dans le livre, donc il faut aussi que ce soit un choix du chef d'établissement, des professeurs et puis aussi des parents derrière de mettre ce livre entre les mains d'enfants de 12, 13, 14 ans. Et ces enfants-là, en plus, ils sont un peu en désamour de la lecture. On sait qu'à cette période-là, c'est compliqué. Ils lisent beaucoup moins. C'est ce que j'entendais moi déjà quand j'avais 14 ans. Ça décroche, beaucoup, beaucoup, beaucoup, parce que c'est ce qu'on disait un petit peu précédemment. Ils sont tellement, il y a tellement d'émotions qui arrivent, ils sont à fleur de peau, le corps change, ils sont tellement occupés aussi, comme vous le disiez très justement, Arnaud, à faire partie d'un groupe, à avoir un peu les mêmes codes, qu'on a l'impression que la lecture, ça passe bien après tout ça. Oui, déjà entre guillemets de mon temps, c'était. Oui, je sais. La le lecture, mien aussi. La lecture, ouais. La lecture n'était pas forcément l'activité la plus populaire et il valait mieux jouer de la guitare avec une lèche devant les yeux. C'était ça. Bon, moi, j'ai jamais lâché les bouquins, tant pis pour ma popularité, mais. ce que je trouve dommage, et du coup, je trouve que votre démarche dans les classes, et c'était ma prochaine question, ça tombe bien que vous en parliez, quelles ont été les réactions de certains collégiens, tiens, par exemple? Est-ce qu'ils ont été agréablement surpris, ou est-ce que vous avez entendu des choses qui vous ont ému, ou voilà, c'est quoi la réaction de ces jeunes ados? Alors, il y a de tout. Alors, il faut savoir aussi donc, que la comédienne qui m'accompagne, Camille Chalet, elle est beaucoup plus proche de leur âge que moi. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a 25 ans, donc elle a pas forcément le même regard oui. aussi sur le phénomène et elle a aussi peut-être plus facilement à lier le sujet avec sa propre scolarité quand elle répond aux questions. Alors, on a forcément des collégiens qui sont peut-être un peu plus sur la retenue dans leurs questions et qui vont plutôt nous chercher sur nos métiers et sur le pourquoi avec des questions un peu plus polissées. On a eu de très très belles rencontres avec des élèves assez émus aussi. Ouais. Donc qui ont été sensibles à ça en fait. Oui, ouais. Alors ça c'est toujours il y a certains enseignants ont le choix de préparer la rencontre. D'autres ne disent rien. On a eu les deux cas. Dans le second cas où les élèves ne savaient pas exactement ce qu'ils allaient entendre, ouais. Et on l'a appris après, il y avait une situation de harcèlement scolaire dans la classe l'année précédente. Ah, ça a donné la parole à des ou ça a permis d'éclairer des situations qui étaient inconnues. Froid, effectivement. Ouais, disons qu'à froid, alors je ne sais pas exactement ce qui s'est dit, ce qui s'est passé. Ouais. Disons qu'à froid, je pense que le livre a peut-être pu servir à mettre des mots sur des situations qui avaient entre guillemets étaient soldés, hein, mais qui ont pu qui avaient peut-être pu laisser des traces ou des cicatrices, voilà. Et du coup ils ont Exactement. Pu en témoigner peut-être par ce biais, le biais de votre livre oui. en fait. Donc ça c'est Exactement. Chouette. C'est vraiment et en chouette. Lycée, c'est différent. Ouais. Et en lycée, c'est différent. Ils ont le recul. Ouais. Ils ont franchi un certain nombre d'étapes. Et on a pu avoir des témoignages collectifs okay. De harcèlement, d'élèves harcelés. Et même, ouais. même un témoignage d'un élève qui est venu nous voir après une intervention en disant « Mais moi, j'ai été harceleur. J'étais pas bien à cette époque de ma vie. » C'est rare. C'est rare. Enfin, c'est rare. Ouais. Disons qu'on les le voit chemin. Moins, les harceleurs. Ouais. Voilà. Il a fait le chemin. Il a fait, ouais. il a fait sa thérapie. C'est chouette. Il a maintenant le recul pour analyser ce qu'il a fait, pour mettre des mots sur ce qu'il a fait. Ouais. Ça nous a énormément touché aussi ce témoignage. Donc on se dit que voilà, par ce biais-là, par le biais de la littérature, on peut peut-être réussir aussi à délier les langues. Alors ça, c'est la littérature, mais c'est l'art au sens large. Hein. Oui. Peut-être que la littérature est peut-être un peu plus impressionnante pour certains, mais on le voit à travers des paroles de chansons. Camille Chalet, qui m'accompagne, a écrit une web-série qui s'appelle Trouble et qui est diffusée sur Internet aussi, qui parle de santé mentale. Ouais. On peut aussi les toucher. Oui, donc il y a tout un panel aussi de moyens ouais, pour les exactement. Toucher. Ah, okay. Exactement, exactement. Là, il s'agit de prévention, parce qu'on pourra pas faire autre chose avec l'art que de la prévention. Ouais. Mais ça vient s'ajouter aux dispositifs qui sont développés depuis 2021. Hein, clairement, oui. c'est récent. Hein, oui, c'est très très frais. Et qui vont peut-être en s'additionnant. Si les moyens financiers restent constants, on espère pouvoir faire avancer le sujet. Ok. Arnaud, pour terminer cette interview, alors moi je suis très curieuse, est-ce que vous auriez un roman en cours ou à paraître pour le deuxième semestre 2025 ou plus tard? Alors moi j'ai publié deux livres en 2024, donc ouais. j'ai publié un roman jeunesse aussi chez Actes Sud Jeunesse, donc j'ai pas d'actualité 2025. Okay. Les livres que je suis en train de terminer seront pour 2026 a priori. Okay. D'accord. Je suis en train de travailler sur un livre qui va parler de transmission par le biais de souvenirs aussi familiaux. D'accord. Et brosser la vie d'une femme de sa naissance au début du 20e jusqu'à sa mort. Ouais. Donc aborder aussi des thématiques en lien avec beaucoup de sujets qui sont assez forts aussi sur la place de la femme, etc., dans la société. D'accord. Et puis j'ai aussi un projet jeunesse que je suis en train de terminer. Bon, je ne sais pas du tout si ce sera pour 2026. Après, c'est les catalogues et les publications des ouais. maisons d'édition sont toujours assez chargées. L'idée, c'est aussi peut-être de continuer un petit peu. Donc là, actuellement, je suis en résidence au collège de la CRAF à Nancy ouais. Pour une série d'interventions qui vont aboutir à un spectacle autour du harcèlement scolaire avec des textes qui sont mis, qui sont écrits par les élèves et qui sont mis en musique par les élèves, parce que c'est chouette. Ça serait aménagé musique. Donc l'idée, c'était aussi, bah, dans le prolongement d'un petit peu de cette résidence, bah, d'écrire un livre qui se passe au collège de la Crasse à Nancy. D'accord. Donc je suis en train de travailler. Et je ne sais pas quand ça va venir, quand ça va avoir le temps. Mais vous reviendrez nous en parler. Vous reviendrez nous en parler. Ah, c'est chouette. Bah, d'autant plus que si ça aboutit et si c'est publié, bah voilà. Nancy, ah, ce serait chouette. Nancy au cœur de ce livre. Eh bien, ce serait avec grand plaisir. Intéressant. Merci beaucoup, Arnaud. Je rappelle le titre donc de votre livre, Un printemps en moins, aux éditions Les Avrils, qui aussi, à mon sens, doit être mis dans les mains de tous les parents. Voilà, qu'on sache aussi ce qui se passe. Quelquefois, on ne soupçonne pas ce qui se passe avec nos propres enfants. Et ça me paraît intéressant aussi d'avoir ce regard-là. Merci beaucoup, Arnaud. Vous souhaite une très belle continuation. Et encore merci de nous avoir accordé ce temps sur les ondes de Caprices de Lecture et de Fadjet. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.